plusieurs fragments sonores enregistrés dans le secteur grenoblois appelé les Grands Boulevards. Ces fragments sont groupés en quatre séquences. Première séquence, GB1, du boulevard à l'appartement et vice-versa. Je vais vous donner l'adresse. Vraiment, vous avez besoin de... d'y aller pour qu'on nous enlève ce bruit. Voilà. Au revoir, madame. Merci. Je vous en prie, au revoir, messieurs. Au revoir. Je sors. Bon, tirez.